Au sport, le 13 décembre. Au hockey mineur, dans la Ligue simple lettre Harford-Saint-François. L'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François visite Jets Frontières à l'aréna Pat Burns de Stansted à 10h30. L'équipe novice B est à Quaticook pour affronter Frontalier 1 à 12h15. L'équipe Atom A se mesure à Jets Frontières à Stansted à 11h45. L'équipe Atom B, elle, est à domicile pour recevoir les cantonniers 2 de Magog à 15h. L'équipe Pee-Wee B est également à la maison et affronte aussi une équipe de Magog à 16h15. L'équipe Midget A est l'autre club Piscine Sherbrooke 1 à Mégantic à 19h. L'équipe Midget B reçoit le club Piscine Sherbrooke à 17h30.